Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, une histoire qui n'a jamais fait les gros titres des quotidiens nationaux ou régionaux. Pas d'enquête policière retentissante, pas d'aveu tardif ou de procès médiatique. Et pourtant, entre 1953 et 1969, 7 personnes sont mortes dans un même milieu professionnel, dans l'entourage d'un même homme, dans le silence d'une même ville. Ce lien entre ces 7 vies interrompues, c'est un romancier, Georges Conchon, qui l'a révélé. C'est donc dans ses pas et à travers ses réflexions que nous allons vous raconter ce fait divers grâce à ses articles parus dans France Soir, aux entretiens qu'il a donnés à l'ORTF, mais aussi grâce à des extraits du film « 7 morts sur ordonnance » réalisé par Jacques Rouffio, dont Georges Conchon était le scénariste et qui s'inspire de ce drame. Vous entendrez les voix de Michel Piccoli, de Gérard Depardieu et de Charles Vanel qui ont donné corps à ces personnages imaginaires mais inspirés de faits réels. L'intrigue est la suivante. À 15 ans d'intervalle, 2 chirurgiens réputés et reconnus tuent leur famille puis se suicident. Pourquoi? Qu'est-ce qui les rongeait à ce point? Souvent considéré comme un acte solitaire et profondément intime, le suicide se révèle dans cette affaire un acte collectif et social, initié par un troisième homme qui aurait poussé les 2 premiers au geste fatal. Notre invité aujourd'hui, l'écrivain Régis Jauffray. Avec lui, nous nous interrogerons sur le regard particulier des romanciers et des cinéastes sur le fait divers. Que peuvent dire la littérature et le cinéma que la presse ne peut dévoiler? Pourquoi le fait divers est-il devenu une source de questionnement des écrivains, des cinéastes, parfois du théâtre? Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Jean Bulot, coordination Christophe Barrère, réalisation Jérôme Boulet. Fabrice Drouel, Affaires sensibles. Sur France Inter. Départ à destination de Rome. Vol Alitalia 333. Septembre 1966, aéroport d'Orly. Truman Capote, l'un des plus célèbres auteurs américains du XXe siècle, atterrit à Paris pour présenter son dernier livre intitulé De sang froid. Pour l'occasion, une équipe de l'ORTF suit la vedette américaine durant son séjour et l'interroge sur la portée de ce livre qui fait la une dans le monde entier. J'ai écrit ce livre documentaire, De sang froid, à la fois comme un prétexte et comme poussé par la malice de la nature humaine. Ce que je voulais faire, c'était mêler le journalisme et la technique romanesque. Et je cherchais un sujet intemporel qui me donnerait une large gamme de possibilités. J'avais 2 sujets qui n'ont rien donné. Et puis un jour, j'eus l'idée qu'un crime, n'importe quel crime, me donnerait la structure pour appliquer ces théories littéraires qui sont miennes. J'ai étudié divers crimes, majeurs ou mineurs. La raison pour laquelle j'ai choisi cette histoire est que les gens étaient tellement typiques d'un certain aspect de l'Amérique. Il y avait l'opposition entre ces 2 garçons sauvages, impitoyables, et cette famille terriblement tranquille, gentille, ordinaire. Ils représentent 2 aspects de l'Amérique, 2 courants qui entrent en collision. Ils m'ont semblé avoir ainsi une valeur symbolique. Ils représentent ce qu'est l'Amérique aujourd'hui, ce que je pense qu'elle est. De sang froid est ce qu'on appelle aujourd'hui une non-fiction novel, c'est-à-dire un roman inspiré d'un fait réel. Dans ses essais, les écrivains revêtent les habits du journaliste, s'inspirent des méthodes des policiers et confrontent leur propre existence au malheur qui a frappé une personne, une famille, une ville, un pays. Au fil de leurs pages, on s'aventure autant dans l'esprit des victimes, des témoins et des accusés que dans celui de l'auteur qui doute, achoppe et s'échappe sur ce chemin qui l'amène à ce moment si particulier où certains de ses personnages sont devenus des assassins. De sang-froid fut le premier d'entre eux. La genèse de ce livre débute en 1960. Truman Capote lit dans les pages du New York Times quelques lignes sur un assassinat de 4 membres d'une famille de fermiers du Kansas pour un butin dérisoire. Intrigué, l'écrivain se rend sur place pour tenter de comprendre les raisons de ce crime. L'enquête dure 6 ans. Il retrouve la ferme, s'installe en ville, s'imprègne de son rythme, de ses lumières et de ses silences. Il écrit aux accusés, les rencontre, les écoute et assiste même à leur exécution, pour certains. Dès sa sortie, des critiques les plus affûtées aux simples lecteurs curieux, tous arrachent l'ouvrage. Pourquoi ? Ce village du Midwest des États-Unis, où après la pluie, des rues sans nom, sans ombre et sans pavé passent de la poussière la plus épaisse à la plus affreuse, comme le décrit Capote, rappelle à tous les lecteurs l'un de nos villages, ceux qu'on a traversés ici ou ailleurs, avec ses codes, ses pouvoirs, ses habitants. Tout ce qui est écrit est vrai ou proche d'une vérité, celle de l'auteur qui a plongé dans les souvenirs de ces gens confrontés au malheur. De sang-froid va ainsi marquer toute une génération d'écrivains, de cinéastes et de journalistes. Sans lui, sans doute, le fait divers que nous allons vous raconter aurait échappé au romancier français Georges Conchon. Quelques semaines après avoir terminé la lecture de l'ouvrage de Truman Capote, il lit dans le François du 23 septembre 1969 un article signé du journaliste François Lévisé qui commence ainsi. Un chirurgien de Reims, le docteur Jean Le Tourneau, 50 ans, s'est donné la mort l'autre soir, après avoir tué sa femme, Marcel, 49 ans, d'une balle de 22 longs rifles. Avant de se suicider, le médecin avait laissé une lettre pour expliquer son geste. Une lettre dont sont extraits ces mots inscrits en tête de l'article et en gros caractères. On me dit que je ne peux plus opérer. Je suis un homme foutu. C'est moi qui ai tué Marcel. Je ne voulais pas qu'elle finisse à l'asile. Selon les dires du journaliste, cette lettre d'une trentaine de lignes a été soigneusement déposée en évidence sur la grande table de séjour à quelques mètres des deux corps. La femme était allongée sur une chaise longue, défigurée par une balle reçue dans la tempe gauche. Le corps de son mari, au sol, baigné dans son sang. Le chirurgien a dû placer le canon de la carabine sous son menton, puis il a tiré. Tout s'est passé là, au 30 boulevard Pasteur, à Reims, dans cette vaste maison de trois étages. À la table de la terrasse de son café, Georges Conchon s'imagine sans doute ces maisons typiques des villes de sous-préfecture, entourées de petits parcs, derrière de grandes grilles où vivent les familles bourgeoises. Était-elle ainsi la maison de ce docteur ? Qu'importe ! C'est aussi cela qu'on appelle maladroitement un fait divers. Une histoire dans laquelle chacun colle ses images, construit ses décors, se souvenant du visage de l'un de ses médecins, d'un voisin, d'un proche, puis l'imagine alors mort ou meurtrier. Avant ce jour où le docteur Jean Le Tourneau décide de tuer sa femme, puis de mourir, il est un homme sans histoire. Du moins, c'est ce que l'on comprend en lisant l'article de François. Selon les confidences récoltées par le journaliste, Jean Le Tourneau était un chirurgien remarquable, aimé, apprécié de ses patients. Après de nombreuses années au Maroc, il avait rejoint la France et la ville de Reims pour prendre un poste de chirurgien à la clinique mutualiste. Voilà, sa vie semblait heureuse. Ou presque. Car quelques mois avant de se donner la mort, il aurait été victime d'une crise cardiaque. Certes, il était soigné, mais en ville, il était devenu le médecin malade. Alors, imaginez de nouveau son cœur lâché en pleine opération, que se passerait-il ? Les craintes de ses patients, le médecin les a entendues, oui. Mais est-ce cela qui explique ses actes ? Un autre médecin du coin, qui a demandé aux journalistes de rester anonyme, déclare « On l'a poussé à ne plus opérer, il en est mort. » À la lecture de cet article, un autre élément interpelle Georges Conchon. Le journaliste raconte que dans cette ville, 15 ans plus tôt, un autre drame avait déjà touché la profession médicale. Un jeune chirurgien avait abattu sa femme et ses trois enfants, avant lui aussi de mettre fin à ses jours. Est-ce une malédiction qui a poussé ces deux médecins à tuer les êtres qu'ils aimaient le plus au monde, puis à se suicider ? Ou bien, cette folie a-t-elle été initiée par une troisième personne. Dans sa dernière lettre, le docteur Le Tourneau écrit cette phrase énigmatique. Nous sommes dans un monde de fous. L'affaire aurait pu en rester là. Une parenthèse éphémère dans un quotidien national, lu par les lecteurs du jour, puis effacée par le drame du lendemain. C'est ce qui aurait dû arriver à ces corps retrouvés derrière les murs de cette maison de province, à ces coups de feu secrètement ensevelis dans les mémoires des gens de la ville où sont morts ces deux médecins, oui. mais 6 années après la publication de cet article, sous deux formes, cette histoire ressurgit. D'abord dans la presse, avec une série de 5 articles écrits par Georges Conchon. Puis au cinéma, avec la sortie du film réalisé par Jacques Rouffiot, 7 morts sur ordonnance et dont Conchon signe le scénario. Ce film a été inspiré par des faits réels. Les événements qu'il rapporte se sont produits dans une même ville de France, à quelques années d'intervalle. Qu'est-ce que vous ne supportez pas ? Que vous ayez triplé votre chiffre d'affaires depuis que j'opère chez vous ? Ah ! Oh, voilà, c'est grotesque. Comment c'est grotesque ? J'en ai marre, moi, j'en ai marre. De votre autorité, j'en ai marre des braisés, j'en ai marre de vous ! Hein ? Et de votre mafia ? C'est un ultimatum ? Oh, qu'est-ce que vous parlez d'ultimatum ? La police, entre autres. Oh, la police, mon pauvre Lancelot. Bien compter sur la police. Surtout quand on tue les femmes de commissaire. Mais ne me touchez pas. Mais vous êtes fou. Vous vous trompez, hein. C'est l'autre qui était fou. C'est celui que vous avez tué, c'est Bernard. Évidemment, Georges Conchon n'est pas un simple lecteur de François. Cet homme d'une 50aine d'années a un parcours étonnant. Licencié de philosophie, il publie son premier roman, Les Grandes Lessives, en 1953. 7 ans plus tard, il entre au Sénat en tant que secrétaire des débats. Durant de longues heures, il écoute, note, synthétise les discussions et les discours des élus. C'est dans ce décor calfeutré, cette poche de province au cœur de Paris, que l'homme travaille et trouve du temps pour continuer à écrire ses romans. En 1964, c'est la consécration. Même si, sans doute, ça n'était pas un but, Georges Conchon obtient les honneurs de la profession en recevant le prix Goncourt pour son livre « L'État sauvage ». Malgré ce prix que certains auteurs cherchent toute une vie, lui refuse de quitter le palais du Luxembourg. Romancier, fonctionnaire, écrivain, script, il ajoute après ce prix une autre corde à son arc en devenant scénariste. Cette troisième vie, celle du cinéma, c'est auprès de quelques amis qu'il accepte de l'expérimenter. Le premier d'entre eux s'appelle Jacques Rouffiot. Longtemps assistant de réalisateurs comme Jean Delannoy, Henri Verneuil ou Georges Franju, Jacques Rouffiot trouve l'idée de son premier film en lisant l'un des ouvrages de Georges Conchon intitulé « Les honneurs de la guerre ». Il le contacte. Les deux hommes se rencontrent, le courant passe immédiatement, ils décident ensemble d'en écrire l'adaptation. C'est ainsi que le film « L'horizon » est né. Dès cette première collaboration, la marque du duo Rouffiot-Conchon s'impose. Des dialogues ficelés, une caméra nerveuse et une autre âme qui s'inspire d'événements réels. Alors, en 1969, quand Georges Conchon découvre l'article de François sur le drame du chirurgien de Reims, et après être allé une première fois sur place pour enquêter, il en parle à son ami Rouffiot. Ensemble, ils retournent à Reims pour chercher ce qui a poussé ces médecins à se tuer et à se suicider. La suite, c'est Georges Conchon lui-même qui la raconte dans Fauteuil ou Strapontin sur France Inter en 1982. Vous savez, c'est toujours la même chose dans une enquête. Il faut trouver dans une ville le bar où l'on parle. Il y a un bar dans une ville. Et finalement, j'étais parti avec Rouffiot cette fois-là. Nous avons vu un bar en étage, ce qui est très très curieux. Nous y sommes montés, c'était le milieu de l'après-midi. Il y avait une barmaid seule qui nous a dit « Mais ce soir, vous rencontrerez un tel, un tel, un tel. » Alors nous sommes allés un peu tard le soir pour que l'alcool ait fait son effet. Et nous avons obtenu en 2 heures ce que nous cherchions depuis 2 mois. Bonne pioche. Conchon reprend ainsi la méthode initiée par Truman Capote. Comme lui, il va sur les lieux de ses faits divers. Comme lui, il tente de trouver une place dans la ville. Comme lui, il entretient des connaissances, prend des habitudes afin de découvrir les secrets de la cité. Comme l'auteur américain, après des mois d'enquête, c'est à la presse, François en l'occurrence, qu'il dévoile en premier les résultats de ses recherches, quelques semaines avant la sortie du film « 7 morts sur ordonnance ». Le premier article de la série est titré « Autopsie d'un fait divers ». Pour suivre sans doute la trame du récit cinématographique et pour éviter également un procès en diffamation, les noms des protagonistes ont été changés. Nous avons décidé nous aussi de garder les noms utilisés par Georges Conchon dans ses articles comme dans le film. Le chirurgien dont on a découvert le corps en 1969 se nomme désormais Pierre Losseret. Son collègue, lui, est appelé Jean-Pierre Berg. Enfin, le troisième homme qui serait le lien entre les 2 scènes de crime est le chef de famille des Brézé. Dans cette ville de province, dont on ne connaît pas le nom, médecine et chirurgie riment toujours avec le patronyme Brézé. Le clan a la mainmise sur une grande partie des cabinets de la région dont il tire son argent, son pouvoir et sa réputation. À la tête de cette dynastie, Alphonse Brézé. Voici comment Georges Conchon le décrit dans l'un de ses articles. Un patriarche, 67 ans à la mort de Berg, 83 à celle de Losseret et toujours sur la brèche. Un hobereau, m'a dit un de ses confrères. Un autre, un despote. Depuis les années 20, le grand chirurgien, c'est lui. Ce ne peut être, ce ne sera jamais que lui. Il règne. Socialement, même jeu. Alphonse Brézé sera maire pendant l'occupation, sans conséquences fâcheuses à la libération. Invulnérable, indéracinable. Et c'est bien cet homme qui va être au cœur de l'enquête menée par Georges Conchon. Selon l'écrivain, c'est lui qui est à l'origine de cette violence, capable d'aller jusqu'à la torture morale, jusqu'au meurtre. En 1978, l'écrivain l'explique ainsi, au micro de France Inter. Moi, ce qui m'importait dans ce scénario, enfin, c'était une idée que j'avais depuis longtemps, c'est l'importance de la violence feutrée, celle dont on ne parle pas. Il y a la violence ouverte dont on parle beaucoup, la violence feutrée qui s'exerce dans tous les milieux professionnels, finalement, et qui peut avoir quelquefois des conséquences catastrophiques, qui peuvent se traduire par mort d'homme. Pour le film, Georges Conchon et Jacques Rouffiot proposent le rôle d'Alphonse Brézé à Charles Vanel, qui cache derrière son physique un peu frêle la dureté du temps passé. Le tournage de cette mort sur ordonnance débute au mois de juin 1975. Comment le cinéma mettra-t-il en lumière cette histoire vraie, ce fait divers oublié? Et la sous-préfecture fête la sous-préfète. Sous le lustre à facettes, il pleut des orangeades et des champagnes tièdes, et les propos glacés des femelles maussades de fonctionnarisées. Je suis un soir d'été. Aux fenêtres ouvertes, les dîneurs familiaux repoussent leurs assiettes et disent qu'il fait chaud. Les hommes lancent des rots de chevaliers teutons. Les nappes tombent en miettes par-dessus les balcons. Je suis un soir d'été. Aux terrasses brouillées, quelques buveurs humides parlent de haridelles et de vieilles perfides. C'est l'heure où les bretelles soutiennent le présent des passants répandus et des alcoolisants. Je suis un soir d'été. Juin 1975, Clermont-Ferrand, premier jour du tournage de cette mort sur ordonnance. Ça se passe comment, Michel Piccoli, le tournage? Dans quelle ambiance? On travaille en collaboration complète. Ça fait 9 mois que Rouffiot a écrit, j'ai suivi toute l'écriture du scénario. Maintenant, on a un très bon scénario qu'au tournage, on retransforme encore. Il est très exigeant sur un tournage. Comment procède-t-il avec ses acteurs? Il a une autorité complète et une légèreté parfaite. Dans cette mort sur ordonnance, le rôle principal, celui du médecin Losseret, tenu par Michel Piccoli. Proche de Jacques Rouffiot, avec qui il travaille depuis plus de 20 ans, notamment quand celui-ci était assistant de Jean Lannoy, Michel Piccoli est également le coproducteur de ce film. L'histoire le passionnait, il a voulu s'investir. Comme il le dit lui-même dans l'archive que vous venez d'entendre, il a suivi les différentes étapes de l'écriture du scénario. À ses côtés, on retrouve notamment Gérard Depardieu, qui joue le rôle du professeur Jean-Pierre Berg, celui qui, 15 ans avant Losseret, tue sa famille, sa femme, ses enfants et se suicide. Cette mort sur ordonnance sort sur les écrans français la semaine du 3 décembre 1975. Dès la première scène, la mort rôde. Le professeur Losseret sort d'une opération. Seul, il tombe, frappé par un infarctus. Et il n'a pas dit un seul mot que déjà sa vie semble suspendue. C'est à ce moment précis que Georges Conchon et Jacques Rouffiot pensent que le chef de la famille Brazé a décidé de frapper Losseret, le professeur de la clinique mutualiste. Pourquoi ? L'homme avait bonne réputation dans la ville et aux alentours, et cela n'arrangeait pas les affaires des Brazé, comme on peut le comprendre dans cet extrait du film. Moi aussi j'ai travaillé tard. J'ai relevé quelques chiffres là, et quelques chiffres inquiétants. Dans quel service ? Urologie. En 3 ans, nous sommes descendus de 232 interventions à 194, puis à 103 l'année dernière. Les nouveaux traitements, monsieur ? Non. Les gens se font opérer ailleurs. Mais vous savez où ? Ils ont bien étudié leur prix. Moi, je vous dis que leur chirurgien est meilleur. Le dernier trimestre a été mieux. Les prostates de la campagne reviennent. Ouais. Ils n'ont pas eu de chirurgien pendant 3 mois. Évidemment. L'infarctus. Losseret ? Et la longue convalescence. Comme si Losseret pouvait nous gêner. C'est un médiocre. Un médiocre qui nous prend 25% de la clientèle ? Ben j'en voudrais bien un comme ça à la clinique. Il a déjà refusé votre offre. Mais on lui a proposé ça sans délicatesse, voyons. Sans doigté. Pas oublier que Losseret est un homme qui donne dans le social. La médecine à préfixe. Je t'opère, tu m'opères, bien ou mal, c'est le même tarif. En tout cas, c'est pas demain qu'on l'aura sur le loup. Ah non, ce n'est pas demain. C'est aujourd'hui. Je recommence à opérer ce matin. À la suite de ce petit déjeuner d'affaires, Alphonse Brazé se rend à la clinique mutualiste pour féliciter Losseret de son retour et pour lui proposer de rejoindre ses établissements. Le professeur rejette la proposition. Il est heureux ici, heureux de soigner, de sauver des vies dans le cadre mutualiste, et puis l'établissement correspond à l'idée qu'il se fait de son travail. Face au refus, les propos d'Alphonse Brazé, d'abord courtois, deviennent plus froids, puis menaçants. Le patriarche évoque les risques pour les malades que représente le cœur fragile de ce praticien dans une salle d'opération. Puis il rappelle au professeur que l'ordre des médecins sera peut-être appelé à statuer sur son aptitude à opérer. Et comment allez-vous ? Bien, très bien. C'est le cardiologue d'ici qui vous suit ? Oui, oui. Il vaut bien les vôtres. Certainement. Et il vous permet déjà d'opérer ? Déjà, oui. Et ça va bien. On dit ça, l'ordre que je représente. L'ordre dit serait peut-être étonné de savoir qu'un confrère qui a été, permettez-moi, très touché, hein, et il y a moins de 3 mois, soit autorisé à entreprendre des actes longs et fatigants. D'après vous, un chirurgien qui a eu un infarctus du myocarde devrait cesser d'opérer ? Ça dépend. Il y a des infarctus bénins. Disons que j'ai eu un infarctus bénin. Eh bien, qui n'exclut pas la récidive ? Attention, la chirurgie est un métier dur. Losseret, ça n'est pas déchoir que de faire de la médecine. C'est ainsi que Conchon et Rouffiot ont imaginé la longue traque contre ces deux médecins. Une chasse à distance dont l'objectif est de pousser la cible vers un piège. Tout au long du film, en effet, comme ce fut le cas sans doute dans les dernières semaines de sa vie, l'ombre d'Alphonse Brazé plane derrière chacun des pas du professeur Losseret. C'est à lui qu'il pense, quand le soir son corps semble plus fatigué que la veille. C'est sa voix qu'il entend, quand une patiente lui fait part de son inquiétude face aux rumeurs qui font de lui un professeur malade, donc incapable d'opérer. Jamais, sans doute, Losseret n'avait fait attention à la mainmise des Brazé sur la ville. Avant son infarctus, ce médecin avait une vie paisible qu'il organisait entre la clinique, sa chère compagne et des week-ends dans les grandes capitales européennes afin de satisfaire son goût pour la peinture. Désormais attaqué, peu à peu il délaisse sa femme, tout comme la peinture, pour enquêter sur l'homme qui le traque. Et c'est à travers ces investigations qu'on découvre l'histoire du médecin Berg, qui s'est suicidé 15 ans plus tôt, sans que personne n'ait cherché à savoir pourquoi. Mis à part leur métier de chirurgien exercé dans la même ville, tout oppose Losseret et Berg. Berg travaillait pour les Brezé. Il faisait un peu partie du clan d'ailleurs. Jeune, marié, père de 3 enfants, il était arrogant, audacieux, brillant. Au sein de la cour, où régnait depuis des années Alphonse Brezé, les courtisans étaient de plus en plus admiratifs du jeune Berg. Alors, entre ces deux égaux hypertrophiés, une guerre de succession s'est logiquement installée. Le film met en scène cette rivalité par une crise entre les deux hommes, inspirée de témoignages recueillis par Georges Conchon, qu'il relate également dans l'un de ses articles. L'anecdote est la suivante. Alors que Berg est parti à Paris, Alphonse Brezé décide de réopérer l'un de ses malades, prétextant qu'il saignait. Est-ce vrai? Peu importe. Cette intervention lance le message selon lequel Berg n'est pas infaillible. À son retour, Berg, joué par Gérard Depardieu, fout de rage, menace de quitter la clinique avec sa clientèle. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Eh bien, répondez! Ta mère, répondez! Écoutez, monsieur. C'est vieux, quoi! Il a réopéré! Alors pourquoi vous dites qu'il a pas saigné? Le professeur a jugé bon d'intervenir. Il est chez lui, c'est sa clinique. Mais c'est mon malade! Il est à moi! Monsieur? Oui? J'ai fait au moins 200 prostates. À New York, à Boston et ici même. Je n'ai jamais eu un seul pépin. Je vous félicite, mais celle-là saignait. Ça saigne toujours. Celle-là saignait anormalement. Certainement pas. Et vous n'aviez pas le droit de réopérer derrière moi. Ça, je ne supporte pas. J'estime que je remplis votre clinique à 30, 35%. Non, 20% peut-être. 30. Mais si vous, vous vous permettez, une seule fois, simplement de regarder un malade à moi, je prends mes 30 sous le bras, je m'en vais ailleurs, à d'autres cliniques. Si, je m'appelle Berg. Vous prenez ou vous prenez pas? Allons, c'est un malentendu. Que vous regrettez? Oui, là. Cette colère n'est pas du ressort de la fiction. Georges Conchon a obtenu de nombreux témoignages qui confirment les mots prononcés et cette tension entre les deux médecins. Gérard Depardieu et Charles Vanel donnent juste corps à ces souvenirs, brillamment d'ailleurs. C'est aussi grâce à son enquête sur place que Georges Conchon a pu obtenir un élément troublant dans la biographie du jeune chirurgien Berg. Comme Losseret, celui-ci avait une faille. Non pas une maladie, mais une passion, le jeu. En plus de ses réussites médicales, Berg était connu pour avoir toujours les meilleures mains aux tables de poker. Brezé en avait eu vent. Le chirurgien trichait-il? Le vieil homme le pensait. Pour en avoir le cœur net, il lui aurait tendu un piège. Un soir, Brezé a fait venir un professionnel pour démasquer Berg. Cette soirée, longtemps, la ville l'a ignorée. Elle l'apprendra plus tard, vaguement. Selon Georges Conchon, l'objectif était d'avoir contre Berg une arme pour qu'il entre dans le rang des courtisans ou qu'il parte, par crainte. Mais c'était mal connaître Jean-Pierre Berg, pas le genre à baisser la tête. Alors, c'est l'usure qu'il fera tomber. L'usure, comme un usage, dans le clan Brezé. Tout au long du film, la sonnerie de téléphone retentit de façon incessante chez les Bergueron, la quiétude du foyer. La nuit, comme au petit matin, elle réveille et brise le sommeil du professeur traqué. La journée, c'est la tranquillité du couple et des enfants qu'elle trouble. Voilà, c'est cette violence feutrée qu'a cherché à décrire Georges Conchon en écrivant son scénario. Ce mécanisme qui aura brisé 2 hommes traqués. Les 5 premières victimes sont celles de la famille Berg. Poussé à bout, seul, le médecin assassine ses 3 enfants et sa femme au fusil de chasse. Il se suicide, ensuite, d'une balle dans la bouche, effaçant ainsi son visage qu'on ne voulait plus voir. Et Brezé, personne ne veut mêler dans sa merde. Je vous l'ai déjà dit. Méfiez-vous de cette ville. C'est le silence. C'est ignoble. Oui, la ville avait gardé le silence sur la mort de Berg. Elle le gardera aussi sur la fin du bon chirurgien Losseret, qui après les rumeurs sur sa santé, les menaces de n'avoir plus le droit d'opérer, les coups de téléphone incessants, craque, lui aussi. Un jour, c'était son dernier. Il achète une carabine, puis rentre chez lui. À l'arrivée de sa compagne, qu'il aimait tant, il la tue, puis se suicide. Après ces coups de feu, le film se conclut par une scène où l'on voit le patriarche Brazé assister tranquillement à une partie de tennis avec son clan. Il n'a jamais été entendu, ni poursuivi, encore moins accusé. Et pourtant, quand Georges Conchon mène son enquête pendant 6 ans, c'est toujours vers Brazé que les bribes de confidences des médecins de la ville, des proches, des professeurs Berg et Losseret, des patients, des cliniques le dirigent. Il y a des scènes de crime où les assassins sont absents et pour cause. Leur arme, c'est le harcèlement, l'intimidation et le temps. Ce temps qui s'alourdit quand on se sait traqué. L'histoire que Georges Conchon et Jacques Rouffion ont racontée dans cette mort sur ordonnance est inspirée, rappelons-le encore une fois, d'une histoire vraie qui s'est déroulée à Reims entre 1953 et 1969. 60 ans plus tard, des Brazés règnent toujours comme des seigneurs au temps de la féodalité au sein des entreprises privées ou publiques ici et là, dans les bureaux, les ateliers, les usines, sous le regard et le silence de tous. Peut-être tue-t-il encore à petit feu, sans laisser de traces. So am I. You better give me something so I don't die. Écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, 7 morts sur ordonnance. Notre invité, Régis Geoffrey. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je rappelle aux auditeurs, vous êtes écrivain. Votre dernier livre s'intitule Microfiction et a reçu le prix Goncourt de la Nouvelle cette année. Bravo. Ce sont 3 autres de vos romans qui nous intéressent également. Car à 3 reprises, vous êtes inspiré de faits réels pour les écrire. Il s'agit de Sévère, Clostria et la balade de Riker Islands, du nom de la célèbre prison de New York dont DSK était le pensionnaire. C'est pour ces ouvrages et votre approche de ces faits divers que nous avons pensé à vous pour cet entretien qui n'a pas pour objectif de revenir sur le récit du jour, sur l'enquête de Georges Conchon, mais de réfléchir ensemble sur le lien entre littérature et faits divers. Autrement dit, que peut dire la littérature que la presse ne pourrait dévoiler? Jusqu'où peut aller un écrivain quand il décide de se pencher sur un fait divers? C'est ça notre discussion. Alors, avant de la commencer, quand même, on va raccrocher au moins un wagon à l'histoire qu'on vient d'entendre. Quel est votre regard sur la passerelle que représente ce film, cette mort sur ordonnance, par rapport aux faits réels de Reims? C'est une démarche que vous connaissez bien. Comment vous la jugez? Réussie? Accomplie? C'est-à-dire que ce qui se passe au bout d'un moment, c'est que pour moi, la réalité, c'est le film. J'ignorais même que c'était issu d'un vrai fait divers. Ah, oui. Donc, à un moment, on dirait que le réel est un brouillon du film. Voilà, c'est injuste, mais c'est l'impression que j'ai eue, puisque avant de participer à votre émission, j'avais vu le film, mais je ne savais pas du tout de quoi il était tiré. Oui, alors c'est injuste, mais ça veut dire que c'est réussi aussi. Ah, magnifique, oui. Hein? Puis il y a l'interprétation de Michel Piccoli, de Charles Vanel, de Depardieu. Enfin bon, ils sont tous formidables. Moi, vraiment, j'invite nos auditeurs qui n'ont pas vu Cette mort sur ordonnance à le voir. Hein. C'est vraiment très très bon film. C'est impressionnant et captivant. C'est un des âges d'or du cinéma. Vous voyez, parce qu'on parle de l'époque de Gabin, là, l'époque de Piccoli, c'est un peu pas. Les années 70. Alors, on va commencer par évoquer le livre de Truman Capote, Votre maître à tous, quelque part. Hein. De sang-froid, ce livre dont on a parlé dès le début du récit véridique d'un meurtre multiple et de ses conséquences. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez ressenti et noté la première fois que vous avez lu cet ouvrage? Je l'ai ressenti, si j'ose dire, comme écrivain. C'est-à-dire, je l'ai lu, je devais avoir 28 ans à peu près, et je me suis dit, j'aimerais aussi écrire sur une affaire criminelle. Et puis, je vous dirais que ça m'est complètement passé de l'esprit. Donc, voilà. Et en réalité, moi, les affaires me sont venues, parce qu'on écoute Truman Capote qui dit qu'il avait réfléchi avant. Enfin, c'est très romancier américain. Les romanciers français sont plus latins. Moi, en fait, c'est les histoires qui sont venues me chercher. C'est-à-dire la première, Sévère, sur l'affaire du banquier Stern. C'est le Nouvel Obs qui m'avait demandé de couvrir le procès. Donc, c'est pour ça que j'ai connu l'affaire. L'affaire autrichienne, Clostria, c'est la on va revenir, c'est épouvantable. Le jour où j'ai entendu la nouvelle à la radio, je me suis dit, si je n'écris pas un roman là-dessus, c'est que je ne mérite plus d'écrire, parce que pour moi, c'était Platon, la caverne de Platon, qui était incarné, puisque ses enfants n'avaient vu du réel que la télévision. C'est-à-dire que, et ils n'étaient jamais allés dans cette réalité. C'est la caverne de Platon, sauf que Platon ne pouvait pas imaginer la télévision. Et le troisième, donc, la balade de Rikers Island, c'est la fois où j'ai vu sortir Anne Sinclair du tribunal de New York, qui était portée comme un ange. Vous regardez cette image, elle sort du tribunal, on ne sait pas, c'est une sainte, c'est un ange, elle a un visage comme un masque, c'est la femme la plus humiliée de tous les temps, parce que les médias n'existaient pas, et c'est une femme qui en sort sublimée. Voilà. Et ça, c'était bouleversant. Votre rapport au fait divers, alors, ce qu'on appelle le fait divers, on devrait plutôt dire polyjustice d'ailleurs, que fait divers, il est constitué de quoi ce rapport-là? Qu'est-ce qui vous fascine? Qu'est-ce qui vous intéresse? Qu'est-ce qui vous trouble dans ces affaires-là où il y a des meurtres, des trahisons, des imposteurs, des flics, la justice? Moi, au départ, pour l'affaire Fritzel comme pour l'affaire Eichhausen, ce qui m'intéresse, c'est de sortir de chez moi, c'est-à-dire que c'était aller enquêter. Enfin, enquêter, entre guillemets, c'est un bien grand mot. Et ce qui est très drôle, c'est que quand un écrivain va sur place, il trouve des choses que les journalistes n'ont pas trouvées, parce que ce n'est pas ce qu'ils cherchaient. Parce que les journalistes vont pour chercher quelque chose, et moi, qui suis alors là un peu brouillon, je ne cherchais rien. Et par exemple, pour l'affaire Clostria, j'ai trouvé, grâce à la personne qui me cornaquait, si j'ose dire, un élément qui remet toute l'affaire en question. C'est-à-dire que je suis le seul à avoir rencontré les acousticiens et on entendait ce qui se passait dans la cave comme si on y était. Je voudrais juste qu'on rappelle, non mais très bien, mais j'allais juste vous couper pour qu'on rappelle quand même l'histoire aux auditeurs. Parce qu'on est en train de parler d'une histoire qu'ils ne connaissent pas, en résumé. C'est un peu le défaut que j'avais et que j'avais en racontant cela. Oui, Joseph Fritzl a enfermé sa fille pendant 24 ans et il a fait 7 enfants dans une cave. Elle n'est pas sortie pendant 24 ans de cette cave qui n'avait pas de fenêtre et pas d'air. Sur les 7 enfants qu'elle a accouchés, elle en a accouché toute seule, sans personne, sans aide. Il y en a 3 qui sont restés et qu'on a sortis de la cave quand on l'a libérée. Il y avait 2 enfants qui avaient 18 et 19 ans et le petit qui avait 5 ans. Voilà, et à ne pas confondre avec l'affaire Natacha Campouche, hein, cette jeune fille qui avait été séquestrée en Autriche. C'est très curieux ce rapport aux caves de l'Autriche, par contre. Donc 2008, et ça fait la une du monde entier, Elisabeth Fritz déclare qu'elle était emprisonnée, violée, physiquement agressée par son père Joseph Fritz. On va écouter le chef de la clinique en charge d'Elisabeth et de ses enfants. C'était un extrait du journal de 7h du 1er mai 2008 sur France Inter. En Autriche, la police lance un appel à témoins à toutes les personnes qui ont pu passer dans l'appartement des Fritzl à Amstetten. On estime qu'elles sont une centaine entre 1984, début de la réclusion d'Elisabeth et ses enfants, et aujourd'hui. À la clé, toujours deux questions. Comment se fait-il qu'en 24 ans, personne ne se soit aperçu de rien? Et Joseph Fritzl avait-il des complices? 4 jours après la révélation de cette affaire, le père est en prison. Elisabeth, 5 de ses enfants et sa mère sont réunis sous la surveillance des médecins de la clinique locale. Sébastien Baer a rencontré le chef de cette clinique. Il s'appelle Berthold Kleppinger. Nous faisons tout notre possible pour offrir à cette famille qui est aujourd'hui enfin réunie une vie nouvelle. Nous leur avons mis à disposition un appartement privé de 70 à 80 mètres carrés dans lequel ils sont seuls et tranquilles. Dans cet espace, les petits peuvent aller et venir à leur guise. Ils ont aussi retrouvé leurs affaires, leurs jouets et ils sont encadrés par du personnel médical. Les membres de la famille parlent énormément entre eux, ce qui est normal quand on a été séparés pendant autant d'années et que l'on se revoit pour la première fois. Leur condition est plutôt bonne, mais on fait naturellement la différence entre ceux qui ont vécu libres et ceux qui ont passé 24 années en captivité. Enfin, ils doivent s'adapter à la lumière du soleil, mais nous sommes convaincus qu'ils y parviendront dans les prochaines semaines. Donc c'est cette histoire qui est à l'origine de votre livre Clostria. D'abord, c'est marqué roman, hein. Roman. Oui, parce que c'est là où c'est très différent de Truman Capote. C'est-à-dire que la démarche de Truman Capote, c'est un peu du nouveau journalisme. Alors c'est Truman Capote qui était un écrivain. Mm-hmm. Mais c'était ses reportages extrêmement longs avec des enquêtes. C'est ce que fait Truman Capote. Il reste dans la vérité. Moi, je pense que les ennuis que j'ai eus et le scandale, c'est que je mélange des faits qui sont connus, qu'on peut trouver dans les médias, des faits que j'ai découverts moi-même et de la pure fiction. Et ce mélange est absolument explosif. Et c'est un mélange qui finalement en fout. Quant à l'affaire Fritzl, c'est tellement une affaire épouvantable que, alors là, je ne vais pas aller du tout dans le sens de la promotion habituelle, mais quand il y a une dame qui est venue me voir une fois dans un salon, elle m'a dit « mais c'est pas trop dur ce livre ?» Je lui ai dit « écoutez madame, si je ne l'avais pas écrit, je ne l'aurais pas lu. Si c'était pas moi l'auteur, de toute façon ce livre je ne l'aurais pas lu. » Parce que c'est même une épreuve à le lire. C'est une des affaires les plus extravagantes de tous les temps. C'est la monstruosité totale. C'est toute une civilisation qui se fait en 24 ans. Quand vous pensez que quand même cet homme, c'était le père, le mari. Ah oui. C'était le père, le mari. Je n'ai pas envie d'aller plus loin dans l'histoire parce qu'on saura peut-être la vérité le jour où le petit qui avait 5 ans racontera sa vie. C'est sûr que ce sera quelque chose de catastrophique. Ça sera un cataclysme quand il parlera. Et cette histoire, depuis que vous avez mis une certaine immersion totale hein, dans l'histoire, elle vous hante? Est-ce qu'on en ressort indemne? J'ai eu très peur de ça, donc j'ai fait en sorte de l'écrire finalement relativement vite, parce que j'ai vu le danger total, et c'est un danger que vous pouvez voir vous-même. Essayez de vous imaginer 24 ans dans une boîte, puisque cette cave était une boîte. Si vous l'imaginez pendant 2 minutes, vous pourrez pas dormir de la nuit. Donc j'ai complètement abandonné l'histoire. C'est-à-dire, quand il y a des choses qui passent, des nouvelles là-dessus, je ne les lis pas. Alors, vous avez publié une longue tribune dans Libération pour défendre, expliquer votre démarche. Cette tribune commence ainsi, je vous cite, hein, « L'inceste sur un enfant, fut-il un petit de 1 ou 2 ans, n'est passible en Autriche que de 3 années de prison lorsque le père commet ce crime, lorsque le père, si c'est l'oncle, il ne risque qu'un an. Qui en Europe s'en soucie ? » Alors c'est que le journaliste, lui, expliquerait voilà que ça vaut tant ou tant de prison sur le père, bon. Il n'irait pas plus loin. Mais vous, il y a une démarche, je ne sais pas si vous me dites militante, une démarche qui dit, mais enfin, qui s'en soucie? Et vous tirez. C'est ça la différence? Ben, je ne sais pas. Là, peut-être. C'est juste, quand vous tombez sur des choses aussi folles, vous imaginez qu'on va dire, ben oui, on va arranger la chose. Et je suis un peu épuisé parce que tous les médias m'ont ouvert la porte, tous vos confrères, j'en ai parlé très longuement, il ne se passe rien. Jamais un député européen n'a dit simplement au Parlement, il y a cette question. L'Autriche ne peut pas garder cette loi si on le lui demande. Vous savez que en plus, si c'est le frère, s'il a commis le méfait avant, s'il avait moins de 19 ans, il ne risque rien du tout. Ça, c'est le droit quand même autrichien. Voilà. Donc moi j'ai dit les choses, je les ai dit plusieurs fois parce que c'était simplement un devoir d'homme. tout simplement, pas d'écrivain. Ces livres étaient traduits en Autriche, quelles ont été les réactions? C'est-à-dire que j'ai eu la chance épouvantable d'être célèbre en Autriche en 30 secondes, mais dans le côté diable. C'est-à-dire j'ai été l'ennemi public numéro un d'Autriche, j'ai pas du tout été menacé physiquement. Mmh. Mais enfin, il y avait des articles, il y avait des 8-10 pages sur l'histoire. Alors là, j'avais aussi la chance qu'on mettait la photo de Joseph Frizel, pas la mienne. Mais ça a été très mal ressenti en Autriche, surtout parce que c'était un Français qui s'occupait. Vous savez, l'Autriche, vous avez Thomas Bernhardt, un certain nombre d'écrivains qui disent beaucoup de mal de l'Autriche, mais ce sont des Autrichiens, donc c'est admis. Mais quand c'est à l'extérieur, c'est comme une famille. Dans une famille, on peut dire du mal de la famille, mais si c'est l'extérieur, voilà. Donc c'était, j'ai très mal été reçu en Autriche. Régis, Geoffrey, on se retrouve dans 3 minutes après avoir écouté Kurt Weill, Loading Zone. I want to be like I am the mayor of some godforsaken town. Sure, they knighted me yesterday, but who needs armor when I've an exoskeleton? I slip and squirm through the cracks, creep around by all the loading zones in my dirty little town. Get my shopping done, laundry too, drop some dead weight, clean my hands of what I need to clean my hands of. And all for free, by the mayor of all from zone to loading zone of my town, yeah. 3 grumpy girls and a dying daddy, but oh so gorgeous just the way they crave. How beautiful to take a bite out of the world. I wanna rip the world a new one. It just crawls out of my mouth anymore. You can hate on it, or you can hug it. You can get all mushy and lovey-dovey. It's all the same when I'm out there driving around, all from zone to loading zone of my beautiful town. I park for free. One-stop shop life for the quick fix before you get a ticket. That's the way I live my life. Geoffrey, c'est en 2010 que vous publiez votre premier roman inspiré de faits réels, intitulé Sévère, et qui puise dans l'affaire Dietz Stern, du nom de ce banquier, 38e fortune française, qui en 2005 a été retrouvé mort avec 4 balles dans le corps et revêtu d'une combinaison de latex dans son appartement genevois. Pourquoi vous êtes-vous penché sur cette affaire-là? Qu'est-ce qu'elle avait d'intéressant pour vous? Par le plus grand des hasards, je pense que je me serais pas penché sur l'affaire autrement, c'est que j'ai assisté au procès pour le Nouvel Observateur. J'avais jamais assisté à un procès de ma vie et j'ai été complètement abasourdi. Je savais pas du tout qu'on pouvait faire un procès de cette façon-là. Il y avait une espèce de liberté dans le langage, alors peut-être parce que c'était à Genève, je ne sais pas. Et donc, c'est là où j'ai découvert. Et puis là, ce qui m'a passionné, en fait, c'est la personne qui a été condamnée, donc qui a été condamnée pour ce meurtre, parce que elle était, c'était un personnage qui avait quelque chose d'irréel. Cette femme. Cette femme, par exemple, ce qui me vient à l'esprit, c'est anecdotique. Par exemple, elle disait, j'ai toujours été fidèle à Edward Stern. Alors, le procureur doit lui citer un certain nombre de gens avec qui elle avait eu des rapports. Et puis, un tel, vous avez eu un rapport. Elle a dit, oui, mais avec lui, c'est parce qu'il était dans la salle de bain pendant que je prenais ma douche. Mais on lui a dit, mais oui, mais pourquoi était-il dans la salle de bain? Vous voyez, c'était ce genre. Ou alors, par exemple, elle disait, j'ai voulu ce procès en l'honneur d'Edouard, en mémoire d'Edouard. Et puis elle disait, moi, ce qui me fait la peine dans ce meurtre, c'est à cause des enfants. C'était complètement fou. C'est-à-dire comme s'il y avait eu plusieurs personnages. Et donc, voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai écrit l'histoire. Quant au fond de l'histoire, j'en parlerai pas, parce que pour moi, le fond de l'histoire reste mystérieux. Bon, ça fera peut-être une affaire sensible, cette histoire-là, tiens. J'en profite pour lire le préambule que vous avez écrit, donc pour Sévère. Préambule très intéressant, les premières lignes sont au cœur de notre discussion. Vous écrivez « La fiction éclaire comme une torche. Un crime demeurera toujours obscur. On arrête le coupable, on découvre son mobile, on le juge, on condamne. Et malgré tout demeure l'ombre, comme l'obscurité dans la cave d'une maison illuminée de soleil. » L'imagination est un outil de connaissance, elle regarde de loin, elle plonge dans les détails comme si elle voulait explorer les atomes, elle triture le réel, elle l'étire jusqu'à la rupture, elle l'emporte avec elle dans ses déductions remplies d'axiomes qui, par nature, ne seront jamais démontrés. Oui, mais la fiction ment, etc., etc. Pourquoi avoir écrit ce préambule comme un avertissement? Parce que c'est une matière peut-être difficile à manier pour le lecteur. Non, c'était une époque où je me rendais pas compte de la réalité, et tout ce que je disais ou écrivais, c'était comme des fictions. Donc ça fait partie du livre en tant que fiction, mais ça a vraiment l'air de quelque chose qui n'en est pas du tout, donc il y a une fiction que pour moi. Mais cela dit, oui, c'est un outil de connaissance et c'est un outil d'influence très étrange. Je ne parle pas du tout de moi, mais par exemple, si vous regardez La case de l'oncle Tom, c'est une fiction. Et pourtant, ça a eu un rôle dans la libération des esclaves aux États-Unis. C'est-à-dire que, et c'est une histoire, raconte une histoire, les faits étaient connus. Il n'y avait pas besoin d'elle. Et voilà, donc ça, on arrive à avoir une influence. Par exemple, l'affaire de Rikers Island, est-ce que ça n'a pas des connotations... Donc, Dominique Strauss-Kahn. Oui, bon. Avec l'affaire Weinstein. Est-ce que ce climat, qui était un climat fictif, puisque j'ai été condamné, on m'a dit que c'était fictif, et que ce n'était pas la réalité, est-ce qu'on ne le retrouve pas tout au long de l'affaire Weinstein? Et c'était il y a quelques années. Donc, est-ce que la fiction, finalement, je ne pense pas du tout que le poète soit voyant, ni le romancier comme Rimbaud, mais c'est un outil de connaissance, l'imagination, parce que la fiction, parce que vous prenez le réel, ça, vous l'imaginez et vous le réécrivez. Donc c'est comme un laboratoire, le cerveau. On le réfléchit deux fois quand on l'imagine. Le roman, c'est la réalité augmentée. Je le crois. Toute dernière chose. Que pensez-vous de la démarche d'Emmanuel Carrère par rapport à Jean-Claude Roman? Vous savez, c'est l'histoire de Jean-Claude Roman. Oh ben c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. L'adversaire. Mais ouais. Jean-Claude Carrère, Emmanuel Carrère, a pas du tout la même démarche, parce que lui c'était non, vraiment. C'est pour ça que vous posez la question, il est sur la réalité. Non, mais c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Hein, non, et Emmanuel Carrère, c'est un écrivain que j'estime beaucoup. Bien, Régis Geoffrey, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions, et je cite les trois livres sur lesquels nous nous sommes appuyés, enfin les deux, et puis bien sûr on a lu quelques nouvelles, dont de Microfiction. Alors Microfiction 2018, ce sont des toutes petites nouvelles, hein, c'est une page et demie, mais ça avait, voilà, c'était en stock, non? Il y avait en stock? Ah non, ça, j'ai écrit en continu. Quelle imagination. Sévère, donc, que vous trouvez maintenant en poche, c'est point, et puis cette affaire autrichienne impressionnante, Clostria au seuil, c'est un roman. Voilà, on finira là-dessus. Merci, au revoir. Merci à vous. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. 7 morts sur ordonnance. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Merci à Philippe Duclos qui était à la technique aujourd'hui.